Elle est particulièrement brève, l'aspect française de ce soir, hein, seulement deux doublettes, mais dans ces deux doublettes, on a quand même le plaisir de s'envoyer deux nouveautés. Gourou juste avant, et la co-session pour le live. Et on est sur un black très français dans l'approche, hein, c'est hyper travaillé, c'est très bien pensé, c'est moderne dans le son et dans l'approche. Ça équilibre bien les passages plutôt violents et d'autres plus atmosphériques, voire mélodiques. Ah, Odon, on peut situer ça, un croisement entre Gaïra et The Great Old Ones. Voilà, avec pareil, une identité très marquée, tout comme Guru. Les textes sont en français, ce qui donne voilà encore plus comment dire, de panache à l'ensemble musical de Aoudon. Ville Ardente ensuite, qu'on vous diffuse depuis quelques semaines. Voilà, le projet notamment issu de la région nantaise et parisienne, qui compte dans ses rangs des membres de FT17 et autres Vosegus. Une boîte à rythme derrière la batterie, entre guillemets. Le thème principal, c'est l'Italie du XXe siècle, pendant les années de plomb. Et voilà, pareil, on est sur un espèce de Black Death un peu mélodique, justement à la sauce un peu FT17, chanté en français. Régicide, de c'est le titre qu'on s'écoute tout de suite. Et juste avant ça, Aodon avec le morceau Egon, extrait de l'album Portrait. Enfin, Portrait, d'ailleurs, parce que c'est chanté en français. Et c'est parti. Pour la suite, on est clairement en terrain connu, retour sur une doublette 100% américaine et une doublette qui tabasse. Frozen Soul et Spy, Frozen Soul tout d'abord, ce serait Thrower avait creusé un peu plus le hardcore, mais en Antarctique. Voilà, Glacial Domination, la formation texane nous sort un très très bon second effort studio chez Century Media Records. Voilà, on est sur Death presque War Death, avec du coup des espèces de grosses intentions hardcore. Arsenal of War, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Spy, ensuite la formation hardcore Glavio qui nous sort un petit album, un petit bijou, Satisfaction, une sortie comme le Mind War chez Triple B Records. On s'écouterait une doublette parce que les morceaux sont indécemment courts. No Redeeming Value, enchaîné à Cognac. C'est parti. La doublette suivante est crasseuse et fumeuse avec tout d'abord l'Éricain Again de Bongzilla, le groupe de Doomstoner Sludge nous sort un nouvel effort studio intitulé ça y est, j'ai perdu le nom. Hop, nouvel effort studio de Bongzilla, Dave City. Voilà, la formation du Wisconsin nous sort un petit 7 titres, toujours à la gloire du cannabis. Et une ligne vocale bien rappeuse et salace sur des tempos pachydermiques, répétitifs, presque hypnotiques. En doublette, par contre, adieu l'hypnose, on passe au groupe de grind venu de Suède, The Arson Project, actif depuis bientôt 20 ans. Ils sortent là seulement leur second effort studio. Voilà, une sortie croisée chez Lixiviat et notamment Self-Made God Records. Seulement, entre guillemets, 10 titres, des compos presque généreuses pour du grindcore, hein, ça va jusqu'à 3 minutes. Et au niveau des inspirations, forcément, on est sur du grind scandinave, à la sauce Nezum Rotten Sand, au niveau des influences. Arson Project, c'est toujours plus. Bongzilla, tout d'abord, Diamonds and Flowers, Arson Project, la doublette, Vulture of the Cross, Exchanging Dominance, extrait de l'album, sobrement intitulé God Bless. C'est parti. La doublette suivante va nous faire voyager, puisque rendez-vous tout d'abord du côté de Toronto, au Canada, pour écouter un titre de Tantifaxas. On est sur de l'avant-garde black metal, actif depuis le début des années 2010. Le groupe sort là son second album studio chez Dark Descent Records. Musicalement, on est sur du black avant-gardiste, dissonant, étouffant, malsain comme pas possible. D'inspiration Despel Omega, Bloodhouse Nord et même Imperial Triumphant. Voilà, un délire propre à lui-même, éprouvant à l'écoute, pas forcément simple d'accès, et clairement on est sur une nécessité d'être dans de bonnes conditions et de s'écouter le truc plusieurs fois pour bien le digérer. Un autre truc qu'aura forcément du mal à passer, Dehumanizing Heated Train Worship. On est sur un groupe Brutal Slam Death qui nous vient de Chine, d'inspiration animé manga. Le premier album là vient de sortir après un EP et un split qui avait déjà été plutôt apprécié. 8 compos pour une trentaine de minutes et on est sur presque le concept de un morceau, un gaz vocal. Il y a même certains morceaux où on en retrouve deux, d'autres où au contraire il n'y a pas de cast du tout. Mais voilà, c'est quasi le concept. Au niveau des vocalistes, on retrouve Larry Wang de Fatuous Ramp, Jake de Cranium, le vocaliste de Body Snatcher et autres Chelsea Green. Voilà, petite réputation bien solide que se taille le groupe chinois Dehumanizing Heated Train Worship. On va s'écouter tout de suite un extrait de chacun de ces deux albums. Tantifaxas, tout d'abord le morceau Solar Witch, extrait de l'album Hive Mind Narcosis. Dehumanizing, Nine Infected Entrail, avec notamment Jake de Cranium. Et l'album s'intitule Otaku Slam Animicide. Et c'est une nouveauté. C'est parti! avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, et c'est l'occasion de s'écouter la toute dernière nouveauté pour aujourd'hui. Bovem, qui nous vient du côté d'Alexandrie en Égypte. On est sur du Blackening Death, qui va chercher ses inspirations dans les vieux albums de Hate, Behemoth, donc clairement du côté de la scène polonaise. C'est assez surprenant pour être notifié. Bovem est actif depuis 2014. Voilà, assez peu de matériel sonore de diffusé, hein. Là c'est seulement le premier EP, un 5 titres, voilà, Polish Black Death dans le style. C'est pas hyper original, mais ça cogne ultra fort, et la prod est bonne, voilà, pour la formation venue d'Egypte. Holcott, ensuite, voilà, on est sur du Death US, du Evil Death, d'inspiration des vieux Morbid, Immolation, et même dans des ambiances assez Nile. Dans l'esprit global et les ambiances, hein, ce côté un peu occulte death. Ça nous vient de Caroline du Sud, c'est une sortie Everlasting Pew Records. Et voilà, c'est le premier véritable album du groupe. On s'écoutera Bovem, le morceau Annihilation of the Idols, extrait de l'EP Ominous Dawn. Holocaust ensuite, Incendiary Prayer, extrait album At the Eyes of Chaos. C'est parti. At the edge of night, to a boy was consumed. Et ça va être l'heure de se quitter avec une toute dernière doublette pour clôturer l'émission de ce soir. Burial Hordes et Molested Divinity. Bien évidemment, on est sur une doublette de clôture sans tendresse. Burial Hordes, tout d'abord, du Black Death qui nous vient de Grèce, actif depuis une vingtaine d'années. Ils sortent là leur cinquième album. Pas mal de changements de line-up. Le membre le plus connu, c'est le gratteux de Dead Congregation. Voilà, c'est extrême, c'est énervé, c'est bien frontal, un petit peu evil sur les bords. Une batterie qui tabasse comme pas possible, ça rigole pas, et c'est ultra solide. Une autre formation qui nous vient de ce secteur géographique, Molested Divinity, le groupe de Brutal Death, même Slam, qui nous vient de Turquie, actif depuis presque 10 ans. Ils sortent là leur troisième effort studio, toujours du côté de New Standard Elite aux États-Unis. 8 compos en 30 minutes, ça tartine comme il faut du début à la fin. Le batteur est français et il a tapé dans Putridity ces dernières années. Molested Divinity, les présentations sont faites, ainsi que du côté de Burial Hordes. On s'écoutera les titres suivants. In the Midst of a Vast Solitude, extrait de Rince, l'EP de Burial Hordes. Molested Divinity, Colossal Vaults of Phantasm, extrait de l'album The Primordial. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bonne écoute et rendez-vous dimanche prochain pour la dernière en direct. Pour rappel, dans cette émission, nous recevrons Emile pour nous parler du Ripfest. Ciao, ciao. Oh, this